Très content que la justice nous montre que c'est fait aussi pour les petits fendants. Le 15 minutes de gloire de Gabriel Nadeau-Dubois est fini. Là, ça a été le pape du printemps érable, mais là, on est rendu à l'automne, puis tout le monde en est revenu, sauf lui. Je trouve ça un peu pathétique, là, l'histoire d'aller en appel, d'essayer de passer pour un grand martyr canadien. Là. Hey, get over it. Là. T'as voulu jouer au fantasme, t'as voulu jouer ses mots, tu te pensais plus intelligent que tout le monde, tu t'es fait ramasser comme tu t'es fait ramasser sur les tribunes où t'as bavé les animateurs de radio, puis le auditeurs. C'est tout. L'indignation mal placée dans les rues de Montréal. Hein. On marche pas alors que la ville est en train de pourrir de l'intérieur. Ça, là. Mais on prend un casserole parce que Gabriel Nadeau-Dubois trouvé coupable d'outrage au tribunal. On parlait avec Éric Duhaime ce matin qui nous disait « Ah, tu sais, il sait plus ce que ça a déjà été. Gabriel Nadeau-Dubois, oui, il y a eu une manif, il était même pas sain. » Il dit « Ouais, mais c'est parce qu'avec tout ce qui s'est passé à Montréal cette semaine, c'est la seule affaire qui a fait descendre du monde dans rue. » C'est qu'on prenne le petit fendant puis qu'on le rappelle à l'ordre au niveau judiciaire. Hey, come on, Montréal. Non, là, c'est très, très, très ordinaire, très spécial.